D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai jamais été blessé. Et d'un sens, ça m'a nuit pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je sais pas, je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Oui, d'abord. Oh, tombeau. Oh, lit nuptial. Oh, ma demeure souterraine. Toute seule. Et aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Et une drôle de corvée encore pour ceux qui sont de faction. Deux bêtes. Quoi, deux bêtes? Des bêtes se serraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non. Je voudrais seulement que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, bah ça non, pas d'histoire. Une lettre, comme vous y allez, vous. J'y serai gros, moi, à ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, si on me fouille, moi, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal, à vous. Bon, ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. De mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture. C'est trop laid, tout cela. Tout est trop laid. Vous savez, si vous voulez pas, moi... Si. Garde la bague et écris. Mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bonne amie. Mon chéri, j'ai voulu mourir. Et tu ne vas peut-être plus m'aimer. J'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Créon avait raison. C'est terrible. Oui, mon. Maintenant. Notre petit garçon. Écoutez. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Mais dites, vous allez trop vite. Comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? Mais c'est terrible maintenant à côté de cet homme. Je ne sais plus pourquoi je meurs. Je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non, raye tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne sache. C'est comme s'il devait me voir nue et me toucher quand je serai morte. Mais seulement, pardon. Alors je raye la fin et je mets pardon à la place? Oui. Pardon, mon chéri. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Sans la petite Antigone... Je t'aime. Vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre, hein? Oui. C'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Garde à vous! Hé, hey, c'est l'heure! Allez, allez, pas l'histoire! Allez, par ici, allez! Allez! Là! C'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre

Il faudrait ne jamais devenir grand. 5 heures. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Eh bien, si nous avons conseil, petit, nous allons y aller. Et voilà. Sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts, ceux qui croyaient une chose et puis ceux qui croyaient le contraire, même ceux qui ne croyaient rien et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant, nous ne saurons jamais de quelle fièvre. Son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Je coupe. À tout. À tout. Il ne reste plus que les gardes. À tout. Eux, tout ça, cela leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes. Dans le cadre de l'émission Analyse spectrale de l'Occident, journée consacrée à la Grèce, la radiodiffusion télévision française vient de vous présenter Antigone de Jean Anouilh. Jean Marchat, sociétaire de la Comédie française, interprétait le rôle de Créon, Anne Pérez le rôle de Antigone et Jean-Louis Trintignant celui de Hémon. Germaine Kerjean était la nourrice, Michel Piccoli le garde, Françoise Spira Ismène et Pierre Vanek le messager. Marcel Pérez et Guy Pierrot étaient les gardes, le petit Michel Sauzin le page. C'est François Perrier qui tenait le rôle du chœur. À la batterie, Lino Pirollo. Prise de son, Jean Jusforgue. Assistant de production, Louis Boson. Réalisation, Alain Trutat.